sirène quand je fous le dawa dans le système. Nick, nick, nick, nick, nick sa mère. On prend le spray et on profane les cimetières. Oui, oui, oui, putain, ça dégénère. Ça pose un gros son et réveille ta grand-mère. Les gens ne te comprennent jamais. T'as beau te casser le cul, ils restent cons comme des mulets. Descends dans ton quartier, munis d'une patte cloutée. Et va le derrière de tous ceux qui osent te mater le travers. Agitation, mais lâchez-moi, bordel. Y'a un cul, y'a un cul, je vais tous les niquer. Je vais tous les crever, t'entends. Je vais tous les crever.